الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد. Continuons toujours traduction du livre تيسير العلام شرح عمدة الأحكام الشيخ عبد الله البسام رحمه الله تعالى qui se rappelle les hadiths que l'on avait traités le cours dernier. Pardon, c'était lesquels? Donc le hadith de Al-Bara ibn Azib, hein? Le hadith de Al-Bara ibn Azib, le hadith de Aïcha, et le hadith de Jabir. Et le hadith de Anas aussi. Non? Le hadith de Anas également ou pas? Aussi, hein? On est arrivé jusqu'à la fin du bab. Non? Taïb. Qui nous récite le 97e hadith de Al-Bara ibn Azib, radiallahu anhuma. Tadam. فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى ركعتين والتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة. أحسنت بارك الله فيك. Le 98e hadith qui est le hadith de Aïcha رضي الله عنها qui se propose. Vous avez eu le temps d'apprendre là normalement. Qui se propose? Toutes les têtes se baissent. Personne ne lève le regard. Saïd. Hassan Al-Hassan. Personne? Al-Wata. Mahafit? Khair, inshallah. Mounir. Saïd. Allez, Inch'Allah. Inutile de poser la question pour le 99e. Pardon. Soit Jabir, soit Jabir. Et le 100e hadith, hadith de Anas. Personne? Non? Hafid? Khair, inshallah. طيب. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب سجود السهو. Pour les hadiths là, que vous n'avez pas récités, il faudra que certains d'entre vous le récitent la semaine prochaine, Inch'Allah. Croyez pas que j'ai oublié. Babu sujoudi sahu. Puis l'auteur cite le chapitre des prosternations de la distraction. As-sahu huwa nisyan wa huwa tarku min ghayri ilm wa laysa ala sahibihi haraj. حيث قال صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وقد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم لحكم كثيرة منها بيان أنه بشر يقع منه ما يقع من غيره إلا أنه لا يقر عليه عصمة لمقام النبوة ومنها التشريع للأمة في مثل هذه الحوادث ومنها التسلية والتعزي لمن يقع منه فإنه حين يعلم أنه وقع من النبي صلى الله عليه وسلم فليس عليه حزن أن يخشى الخلل في دينه أو النقص في إيمانه إلى غير ذلك من أسرار الله تعالى. وأسباب السجود للسهو ثلاثة: أولا إما زيادة في الصلاة، ثانيا أو نقص فيها ثالثا أو شك وشرع سجود السهو إرضاء للرحمن وإغضابا للشيطان وجبرا للنقصان. Donc le chapitre des prosternations de la distraction. As-sahu en arabe signifie l'oubli, c'est-à-dire le fait de dénaisser sans science, sans savoir. وَلَيْسَ عَلَى صَحِبِهِ حَرَجٍ. Et celui qui le commet n'a pas de mal. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a été pardonné à ma communauté l'erreur et l'oubli. Il a été pardonné à ma communauté l'erreur et l'oubli. Et Allah Azza wa Jalla a dit, dans les derniers versets de Sourate Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na. Ô notre Seigneur, ne prends pas en compte nos lorsque nous oublions et lorsque nous faisons des erreurs. Et ici, les erreurs, bien sûr, qui sont commises de façon involontaire. Et il est rapporté dans le Bukhari qu'Allah subhanahu wa ta'ala a répondu en disant « Fa'altu, j'ai fait ». C'est-à-dire que cela est fait, à savoir qu'Allah azza wa jalla ne prend pas en compte pour cette communauté les erreurs involontaires ni les oublis. Et cela a... Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu des oublis. Et ceci pour des sagesses multiples. Parmi ces sagesses, premièrement, montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un être humain. Le prophète alayhi wa sallam a dit innama ana basharun ansa kama tansawun fa idha nasitu fadhakkiruni. On a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je suis un être humain. J'oublie comme vous oubliez. Et lorsque j'oublie, rappelez-moi. Donc, parmi les sagesses de l'oubli du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou des oublis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout d'abord, pour montrer que c'est un être humain qui peut être atteint de ce qui atteint les autres, entre autres, l'oubli. Sauf que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sauf que son oubli ne doit pas être accepté et validé. C'est pour ça que le prophète ancien m'a dit « Faïda nasitu fadhakkiruni » Lorsque j'oublie, rappelez-moi. Les compagnons du prophète ancien, lorsqu'ils constataient un oubli du prophète ancien, est-ce qu'ils devaient se taire et ne rien dire? La réponse est non. Si l'oubli était avéré, ils devaient reprendre le prophète ancien et le rappeler. Et ceci pour préserver la prophétie du prophète ancien. Car la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous le savez, c'est tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, a fait ou a laissé faire. Tout ceci fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela veut dire que les musulmans vont mettre en pratique ces gestes et ces paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, lorsqu'un oubli est avéré et constaté, même du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, les compagnons le reprenaient, sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi ces sagesses, légiférer pour sa communauté les actes à faire lorsque des situations similaires se produisent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était l'imam des musulmans, le fait qu'il ait oublié, et comme on le verra par la suite dans les hadiths, et que les compagnons du prophète et que ses compagnons l'ont repris, eh bien, le prophète Hassan a fait des choses pour réparer son oubli. Et ceci a été une législation de sa part, sallallahu alayhi wa sallam, qui est mise en pratique jusqu'à nos jours. Donc parmi cela, parmi les sagesses, les oublis du prophète Hassan, c'est que derrière, il y a eu des jugements religieux qui ont été légiférés. Parmi les sagesses également, la consolation et le réconfort de celui qui oublie. Car il sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a oublié. Donc cela, entre guillemets, fait en sorte que cette personne qui oublie est moins attristée et a moins peur pour sa religion, et ou bien que sa foi baisse à cause de son oubli, et bien d'autres sagesses d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les causes des prosternations de la distraction sont de trois. Les prosternations de la distraction sont faites, premièrement, lorsqu'il y a un ajout dans la prière, ou bien lorsqu'il y a une diminution dans la prière, ou bien lorsqu'il y a un doute dans la prière. Ce sont les trois cas dans lesquels les prosternations de la distraction doivent être faites. Et les prosternations de la distraction ont été légiférées en guise de satisfaction pour le tout miséricordieux, pour provoquer la colère du diable et pour compenser les manquements, pour compenser les manquements de la prière. Non. Les prosternations de la distraction ont donc été légiférées pour trois choses. Premièrement, pour satisfaire Allah. Deuxièmement, pour provoquer la colère du diable, car il peut arriver que les oublis proviennent du diable, surtout ceux qui sont victimes de la maladie du waswas, de toujours être indécis, de toujours être en doute, que ce soit dans sa prière, que ce soit dans ses ablutions. Et des personnes sont malades de cela. À chaque fois, elles ne savent pas où elles en sont dans leurs ablutions, où elles en sont dans leurs prières. Elles ne sont jamais sûres et persuadées de ce qu'elles ont fait. Du coup, elles recommencent sans cesse. Et des personnes font parfois 15 à 20 fois les ablutions pour une seule prière. Et font peut-être, et refont peut-être 5 ou voire plus de fois leurs prières. Et ceci provient du diable, sans aucun doute, qui a pour but de faire en sorte que cette personne délaisse sa religion en la trouvant trop difficile. Ainsi, les savants disent que celui qui est atteint de cette maladie du waswas, du doute, il lui est interdit de recommencer sa prière. Et il lui est interdit de refaire ses ablutions. Et également, les prosternations de la distraction ont été légiférées pour compenser le manque dans la prière. Al-Hadith al-Awwal ba'd al-Mi'ah. An Muhammad ibn Sirin, an Abi Huraira radiyallahu anhu. قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي قال ابن سيرين وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا أقصرت الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة فقال لم أنسى ولم تقصر فقال أكما يقول ذو اليدين قالوا نعم فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه ثم سلم قال فنبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم رواه البخاري ومسلم والعشي ما بين زوال الشمس إلى غروبها. Le centième hadith. Selon Muhammad ibn Sirin, qui rapporte d'Abu Huraira radiyallahu anhu, et Muhammad ibn Sirin, comme vous le savez, il fait partie des plus grands des tabi'in, qui rapporte d'Abu Huraira radiyallahu anhu, qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a présidé l'une des deux prières de l'Ashi. Et l'auteur du livre Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah explique al-Ashi en disant que c'est entre le zénith du soleil et son coucher. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié une des deux prières de ce laps de temps, entre le zénith du soleil et le coucher du soleil. Autrement dit, al-Dhuhr ou bien al-Asr. Ibn Sirin a dit, rahimahullah, et Abu Huraira a nommé cette prière, mais moi je l'ai oubliée. Puis il a dit, c'est-à-dire Abu Huraira radiallahu anhu, il a prié deux raka'at, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis a salué. Il s'est alors levé et s'est dirigé vers une poutre étendue dans la mosquée. Il s'est appuyé dessus comme s'il était énervé. Et il a posé sa main droite sur sa main gauche et a croisé ses doigts. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé sa joue droite sur le dessus de sa main gauche. Qui peut nous dire comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qui peut nous montrer cette posture? Il a posé sa main droite sur sa main gauche en croisant les doigts. Donc c'est comme ça. Puis, il a posé sa joue droite sur le dessus de sa main gauche. Autrement dit, comme ça. D'accord? Comme si quelqu'un qui était pensif, qui était dérangé de quelque chose qui venait de d'advenir. Ou qui venait d'avoir lieu. وخرجت السرعان من أبواب المسجد. Et les gens pressés sont sortis des portes, par les portes de la mosquée. Les gens qui ont des affaires, qui ont, pour une raison ou une autre, devaient partir juste après la prière. Et ils disaient, en sortant, أقصرت الصلاة. Et ils parlaient entre eux. La prière a-t-elle été raccourcie? Et dans le peuple, dans les gens présents, il y avait Abu Bakr et Omar. Dans les gens présents dans la mosquée, qui ont prié d'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَا. Et ils n'ont pas osé parler au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils respectaient le prophète alayhi sallatu wa sallam, à tel point que dans cette situation, ils n'osaient pas parler au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les gens, il y avait un homme qui avait des mains longues et qui était appelé Dhul Yadayn, celui qui a les deux mains. Il a dit, ô envoyé d'Allah, as-tu oublié ou la prière a-t-elle été raccourcie? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je n'ai pas oublié et elle n'a pas été raccourcie. Et dans une autre version que le Cheikh citera par la suite, Dhul Yadayn, radiyallahu anhu, a dit, bel nasit, si tu as oublié, ô envoyé d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est alors dirigé vers ses compagnons en disant, akama yaqulu Dhul Yadayn, c'est-à-dire, est-ce qui s'est produit ce que vient de dire Dhul Yadayn, ils ont dit oui. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est avancé, a prié ce qu'il manquait de sa prière, puis a salué. Puis il a fait le takbir et s'est prosterné comme la prosternation habituelle de sa prière, voire plus longue. Puis il a relevé sa tête en prononçant le takbir. Puis il a prononcé le takbir et s'est prosterné comme sa prosternation habituelle de la prière ou plus longue. Puis il a relevé sa tête en faisant le takbir, et le rapporteur dit Rubbama sa'alou thumma sallam. Ils l'ont questionné, c'est-à-dire le rapporteur, est-ce qu'il a salué, c'est-à-dire après avoir fait les deux prosternations de la distraction. Et il a dit, il m'a été rapporté, qui dit fanubbi'tu, Muhammad ibn Sirin a dit, et puis il m'a été rapporté que Imran ibn Husayn, qui est un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit, puis il a salué. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rattrapé les deux raka'at qu'il n'avait pas prié, puis a salué et a fait les deux prosternations de la distraction et a salué par la suite. المعنى الإجمالي لسان جنرال دو حديث يروي أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه إما صلاة الظهر أو العصر فلما صلى الركعتين الأوليين سلم لسان جنرال دو حديث أبو هريرة رضي الله عنه rapporte que le prophète صلى الله عليه وسلم a présidé la prière avec ses compagnons, soit la prière de Dhuhr ou bien de l'Asr, et lorsqu'il a prié deux unités de prière, les deux premières unités de prière, il a salué. وَلَمَّا كَانَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَامِلًا لَا تَطْمَئِنُّ نَفْسُهُ إِلَّا بِالْعَمَلِ التَّامِ شَرَعَ بِنَقْصٍ وَخَلَلْ لَا يَدْرِي مَا سَبَبُهُ فقام إلى خشبة في المسجد واتكأ عليها بنفس قلقة وشبك بين أصابعه لأن نفسه الكبيرة تحس بأن هناك شيئا لم تستكمله. Et parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était complet et parfait, son âme ne peut être satisfaite et apaisée que par un acte complet. Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ressenti un manquement et un défaut, mais il n'en connaissait pas la cause. Il s'est alors levé vers une poutre qui était allongée, posée sur la mosquée, dans la mosquée, et s'est accoudé dessus, en étant énervé. Il a alors croisé ses doigts, car sa grande âme, sallallahu alayhi wa sallam, ressentait qu'il y avait quelque chose d'incomplet. وخرج المسرعون من المصلين من أبواب المسجد وهم يتناجون بينهم بأن أمرا حدث وهو قصر الصلاة وكأنهم أكبروا مقام النبوة أن يطرأ عليه النسيان. Puis, ceux qui étaient pressés parmi les prieurs sont sortis par les portes de la mosquée, en parlant entre eux de ce qui venait d'avoir lieu, ou de ce qui venait de se produire, à savoir le raccourcissement de la prière. Comme si, pour eux, le statut de prophète et la prophétie ne pouvait pas être atteinte d'oubli. Pour eux, la prière avait été raccourcie. ولهيبته صلى الله عليه وسلم في صدورهم لم يجأر واحد منهم لم يجرأ واحد منهم أن يفاتحه في هذا الموضوع الهام بما في ذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما إلا أن رجلا من الصحابة يقال له ذو اليدين قطع هذا الصمت بأن سأل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة. Et parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un respect, ou les compagnons avaient un respect dans leur cœur vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un respect immense, personne d'entre eux n'a osé reprendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce sujet important. Et parmi eux, les deux meilleurs de cette communauté après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui sont Abu Bakr et Umar radiyallahu anhuma. Sauf qu'un homme parmi les compagnons, appelé Dhul Yadayn, a coupé court à ce silence en demandant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô envoyé d'Allah, as-tu oublié ou la prière a-t-elle été raccourcie? فقال صلى الله عليه وسلم بناء على ظنه لم أنس ولم تقصر حينئذ لما علم ذو اليدين أن الصلاة لم تقصر وكان متيقنا أنه لم يصلها إلا ركعتين علم أنه صلى الله عليه وسلم قد نسي فقال بل نسيت فأراد صلى الله عليه وسلم أن يتأكد من صحة خبر ذي اليدين فقال لمن حوله من أصحابه أكما يقول ذو اليدين من أني لم أصلي إلا ركعتين فقالوا نعم. ذو اليدين رضي الله عنه alors questionné, coupé court au silence, a questionné le prophète صلى الله عليه وسلم en lui disant, ô envoyé d'Allah, as-tu oublié ou la prière a-t-elle été raccourcie? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu selon ce qu'il pensait en disant, je n'ai pas oublié et elle n'a pas été raccourcie. À ce moment, Dhul Yadayn a su que la prière n'avait pas été raccourcie. Et il était persuadé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait prié que deux unités de prière. Il a alors su que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait oublié. Et il lui a dit, comme cela est rapporté dans une autre version de l'Bukhari, « Bel nasit, au contraire, tu as oublié. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu confirmer l'information de Dhul Yadayn et a dit à ceux qui étaient autour de lui parmi ses compagnons, est-ce qu'il s'est produit ce que vient de dire Dhul Yadayn, à savoir que je n'ai prié que deux unités de prière? Ils ont répondu oui. حين إذن تقدم صلى الله عليه وسلم فصلى ما ترك من الصلاة وبعد التشهد سلم ثم كبر وهو جالس وسجد مثل سجود صلب الصلاة أو أطول ثم رفع رأسه من السجود فكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر ثم سلم ولم يتشهد. À ce moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est alors avancé et a prié ce qu'il manquait de la prière. Et après avoir fait le tashahhud. Quel tashahhud? Le deuxième de cette prière. Wa ba'da at-tashahhud sallam. Après le tashahhud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a salué. Donc là, il est sorti de sa prière. Thumma kabbara wa huwa jalis. Puis il a fait le takbir en étant assis. Wa sajada mithla sujud. Et a fait la prosternation comme la prosternation de la prière ou plus longue. Ici, le professeur Sam a fait quoi? La première prosternation de distraction. Puis, il a levé sa tête de la prosternation en faisant le takbir. Là, il se relève de la première prosternation de distraction. Puis, une nouvelle fois, il fait le takbir et se prosterne comme la prosternation de la prière ou plus longue. Ici, c'est la deuxième prosternation de la distraction. Puis, il a relevé sa tête en faisant le takbir. Ici, il s'est relevé de la deuxième prosternation de la distraction. ثُمَّ سَلَّمَ وَلَمْ يَتَشَهَدْ. Puis, il a salué sans faire le tashahhud. خلاف العلماء, la divergence des savants. أَشَّكُّ فِي الصَّلَاةِ أَحَدُ أَسْبَابِ سُجُودِ السَّهُوِ. Le doute dans la prière est une des causes qui oblige de faire les prosternations de la distraction. On a dit que le doute c'était la troisième cause, la première étant l'ajout, la seconde la diminution. روى مسلم عن أبي سعيد أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على مستيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فقوله إذا شك هو موضع الخلاف, فذهب مالك والشافعي وهو المشهور عند أصحاب أحمد والثوري والأوزاعي وإسحاق وربيعة, ويروى عن ابن عمر وابن عباس ذهبوا إلى أن كل من لم يقطع فهو شاك, وإن كان أحد الجانبين راجحا عنده فجعل من غلب على ظنه شاكا وأمره أن يقطع ما شك فيه ويبني على ما استيقن, وقالوا الأصل عدم ما شك فيه فرجحوا استصحاب الحال مطلقا وإن قامت الشواهد والدلائل على خلافه ولم يعتبروا التحري بحال. Muslim rapporte, selon Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque l'un d'entre vous doute dans sa prière et qu'il ne sait plus combien il a prié, est-ce 3 ou 4, c'est-à-dire 3 ou 4 rak'at, alors qu'il rejette et qu'il jette le doute et qu'il se base sur ce dont il est sûr, puis qu'il fasse 2 unités de prière avant de saluer, qu'il fasse 2 prosternations à Fouan avant qu'il ne salue. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari, par un Muslim, dans son Sahih, comme je l'ai dit, An-Nasa'i, Abu Dawud, Ibn Majah. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'un d'entre vous doute, il a chaque cas. Les savants ont divergé. Al-Imam Malik, Al-Shafi'i, et c'est ce qui est connu chez les partisans de l'imam Ahmed, également Al-Thawri, Al-Awza'i, Ishaq, Rabi'a, et cela est rapporté d'après Ibn Omar, Ibn Abbas, ils disent que tout ce qui n'est pas sûr est un doute. Tout ce qui n'est pas sûr est un doute, même si une situation prévaut sur une autre. Si on prend l'exemple qui a été cité dans le hadith, celui qui doute entre 3 et 4. À partir du moment où il n'est pas sûr, c'est un doute. Même si tu es plus sûr que c'est 4 que 3. Vous avez compris? Il dit à partir du moment où tu n'es pas sûr, donc c'est un doute. Et celui qui doute, le professeur Hassan m'a dit qu'il doit enlever ce doute et le jeter et se baser sur ce dont il est sûr. Ils ont dit donc que la base est que ce qu'il doute ne doit pas être pris en compte. Même s'il y a des moyens ou des preuves, entre guillemets, qui pourraient t'amener à faire prévaloir que c'est 4 au lieu de 3. À partir du moment où tu n'es pas sûr, tu rentres dans le doute, et dans le hadith d'Abu Saïd al-Khudri, le doute doit être jeté, ne doit pas être pris en considération, et tu dois te baser exclusivement sur la certitude. Ça, c'est le premier avis. Il est clair ou pas? Non. Allahu a'lam. Là, c'est pour la prière, pour le wudu, Allahu a'lam. وذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه إلى أن المفرد أن المنفرد يبني على اليقين لحديث أبي سعيد وأما الإمام فيبني على غالب ظنه وقد اختار ذلك الخرقي من أصحاب أحمد والموفق وقال الموفق إنما خصصنا الإمام بذلك لأن له من ينبهه بخلاف المنفرد. Le deuxième avis, qui est l'avis de l'imam Ahmad dans une autre de ces deux versions, quel est ce deuxième avis? Que celui qui prie seul doit se baser exclusivement sur la certitude. Pour preuve, le hadith d'Abu Saïd al-Khudri, précédemment cité, apporté par Muslim, entre autres dans son sahih. Quant à l'imam, il peut se baser sur ce qui prévaut des deux situations. Si on prend toujours l'exemple de celui qui doute entre 3 et 4, le deuxième avis dit que si tu pries seul, tu te bases sur la certitude qui est 3. Si tu es imam, tu te bases sur la situation ou le cas qui pour toi prévaut sur l'autre. Donc si pour toi c'est plus 4 que 3 et que tu es imam, alors tu considères que c'est 4. Et c'est l'avis qu'a choisi Al-Khiraqi parmi les compagnons de l'imam Ahmad, également Al-Muwaffaq, et parmi les arguments apportés par Al-Muwaffaq, il dit « Et nous précisons ce jugement pour l'imam, pourquoi est-ce que l'imam se base sur le cas qu'il considère prévaloir sur l'autre et pas pour celui qui prie seul. L'argument cité est car l'imam a derrière lui des personnes qui pourront le reprendre. Contrairement à celui qui prie seul, personne ne peut le reprendre ou le corriger. C'est le deuxième avis. والقول الثالث ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه وهو قول كثير من السلف والخلف ومروي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما وهذا القول هو التحري والاجتهاد وأن البناء على غالب الظن للإمام وللمنفرد مستند إلى أصح أحاديث الباب وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم ما عليه ثم ليسجد سجدتين رواه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود. Le troisième avis est l'avis d'Abu Hanifa et de ses compagnons, et c'est également l'avis et la parole de beaucoup de savants parmi les salafs et les khalafs. Quelle est la différence entre les salafs et les khalafs? Les salafs, ce sont ceux qui ont vécu pendant les trois générations qu'a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les meilleurs gens sont ceux de mon siècle, puis ceux sont de ma génération, puis ceux qui les ont suivis, puis ceux qui les ont suivis. Et ceux qui sont venus après sont des khalafs, c'est-à-dire ils suivent les salafs. Et c'est l'avis de beaucoup parmi les salafs et les khalafs, et c'est entre autres rapporté par Ali et par Ibn Mas'ud radiyallahu anhuma, qui eux sont des savants parmi les salafs et parmi les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم. Quel est ce troisième avis? هذا القول هو التحري والاجتهاد. C'est la recherche et l'effort. Et que de se baser sur le cas qui prévaut vaut autant pour l'imam comme pour celui qui prie seul. Et ils ont pour preuve le hadith le plus authentique dans ce domaine, dans ce sujet, qui est le hadith de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je suis un être humain, j'oublie comme vous oubliez. Lorsque j'oublie, rappelez-moi. Et lorsque l'un d'entre vous doute dans sa prière, qu'il recherche la vérité, puis qu'il termine sa prière selon sa recherche. فَلْيُتِمَّ مَا عَلَيْهِ ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ. Puis qu'il fasse deux prosternations. فَجَعَلَ مَا فَعَلَهُ بَعْدَ التَّحَرِّي تَمَامًا لِصَلَاتِهِ وَجَعَلَهُ هُنَا مُتِمًّا لِصَلَاتِهِ لَيْسَ شَاكًا فِيهَا وَمَا دَلَّ عَلَى الْإِثْبَاتِ مِنْ أَنْوَاعِ الْأَدِلَّةِ فهو راجح على مجرد استصحاب النفي وهذا هو الصواب الذي أمر المصلي أن يتحراه فإنما دل على أنه جمع أربعة من أنواع الأدلة راجح على استصحاب عدم الصلاة وهذا حقيقة هذه المسألة ومثل هذا يقال في عدد الطواف والسعي ورمي الجمار وغير ذلك. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il recherche la vérité, puis qu'il complète sa prière, puis qu'il fasse deux unités, deux prosternations. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a considéré ce qu'a fait le prieur qui a recherché la vérité dans sa prière comme ayant complété sa prière. Il l'a donc considéré comme ayant complété sa prière et ne l'a pas considéré comme ayant douté dans sa prière. Ainsi, c'est ce que doit faire le prieur. Il doit rechercher lorsqu'il doute. Et lorsque quatre فَإِنَّمَا دَلَّ عَلَى أَنَّهُ جَمَعَ أَرْبَعَةٌ مِّنْ أَنْوَاعِ الْأَدِلَّةِ راجح على عدم استصحاب الصلاة. Et lorsqu'il a au moins quatre raisons de prévaloir un cas sur une autre, alors il doit considérer ce cas qu'il fait prévaloir au fait de ne pas considérer avoir fait une unité de prière dans l'exemple que l'on a donné. Et c'est la vérité dans ce sujet. Et l'on peut dire la même chose pour celui qui doute dans le nombre de tournées autour de la Kaaba, ou celui qui doute sur le nombre de trajets entre Al-Safa et Al-Marwa, ou pour celui qui doute sur le nombre de pierres qu'il a lancées pour lapider les stèles, ou Ra'il et Dalek, et tout autre sujet. Et cela répond à ta question, à savoir... Les ablutions également en sont concernées pour celui qui ne sait plus s'il a lavé une fois, s'il a lavé une fois ou deux fois ou trois fois, ou s'il a lavé ses mains avant, etc., etc. Donc là, il recherche la vérité et il se base sur le cas qu'il fait prévaloir. Al-ahkam al-mustanbata min al-hadith. Les jugements à retenir du hadith. أولا جواز السهو من الأنبياء عليهم السلام في أفعالهم البلاغية إلا أنهم لا يقرون عليه أما الأقوال البلاغية فالسهو فيها ممتنع على الأنبياء ونقل في ذلك الإجماع. Première chose que l'on retient de ce hadith est que l'oubli est autorisé pour les envoyés d'Allah alayhi wasalam. Ceci dans leurs actes, dans les actes uniquement. Et sauf qu'ils ne doivent pas être approuvés dans cela. C'est-à-dire que lorsqu'ils font une erreur, un oubli, on ne doit pas les approuver dans cet oubli. Et comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de les rappeler. Quant à leurs paroles, dans lesquelles ils transmettent la religion d'Allah, il est impossible qu'ils oublient. Et l'unanimité des savants a été rapportée à ce sujet. Les savants sont unanimes qu'il est impossible qu'un prophète et un envoyé d'Allah, alayhi wasalam, oublie une parole qu'il doit transmettre. Thaniyan, al-hukmu, al-hikamu al-asraru lati tatarattabu على هذا السهو من بيان التشريع والتخفيف عن الأمة بالعفو عن النسيان منهم وبيان أن الأنبياء بشر يجوز عليهم ما يجوز على غيرهم من السهو في أفعالهم لا أقوالهم البلاغية. Retiens de ce hadith également les sagesses qui découlent de cet oubli du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme montrer la législation que pour cette communauté il lui est pardonné le fait d'oublier. Et pour montrer également, comme le cheikh l'a dit en introduction et comme il le redit ici, pour montrer également que les prophètes sont des hommes qu'ils peuvent oublier comme autre que oubli, mais ceci dans leurs actes, non dans les paroles dans lesquelles ils transmettent la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Thalithan, inna al-khuruj min as-salati qabla itmamiha ma'a dhann annaha tammat la yaqta'uha bal yajuzu al-bina'u 'alayha wa itmamu an-naqis minha. Troisièmement, ce que l'on retient du hadith, c'est que le fait de sortir de la prière avant qu'elle ne soit complète, en pensant l'avoir terminée, cela ne coupe pas la prière. Au contraire, il est autorisé de se baser sur ce qui vient d'être prié, et de compléter ce qu'il manque de celle-ci. Autrement dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a prié ses deux raka'at, et qu'il a salué, en pensant que la prière était terminée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était toujours en prière, de même que ses compagnons. Et lorsqu'il a eu la certitude qu'il n'avait prié que deux unités de prière, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé et a prié deux autres unités. Il a donc considéré les deux premières qu'il avait faites comme étant valides. Et il s'est considéré comme étant encore en prière et a donc terminé ce qui lui manquait. Rabi'an, inna al-kalam fi sulbi s-salati min an-nasi la yubtiluha khilafan liman abtalaha bidhalika min al-ulama فقد تكلم فيها ذو اليدين والنبي صلى الله عليه وسلم وبعض المصلين. Quatrièmement, on retient de ce hadith que de parler pendant la prière, que le fait de parler pendant la prière, que le fait que celui qui oublie parle pendant sa prière, ne l'annule pas. Contrairement à ceux qui l'annulent parmi les savants. Car à parler pendant la prière, Dhul Yadayn, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et certains prières. Dhul Yadayn a parlé en disant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, la prière a-t-elle été, as-tu oublié ou la prière a-t-elle été raccourcie? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé en s'adressant à ses compagnons, est-ce que ce que vient de dire Dhul Yadayn s'est produit? Et d'autres compagnons ont parlé, entre autres, ceux qui sont sortis de la mosquée et qui sont revenus, et également ceux qui ont répondu au prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant que oui, ce que vient de dire Dhul Yadayn est vrai. Et malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas considéré ces paroles comme annulées, comme annulant la prière, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué sa prière, il ne l'a pas reprise depuis son début. Khamisan, sihhatu bina'i ma taraka min as-salati ala awwaliha walau tala al-fasl. وكذلك لو نسي السجود وفعل ما ينافي الصلاة من كلام وغيره فقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد بعد السلام والكلام. Cinquièmement, la vanidité, on retient de ce hadith, la vanidité de ce qui est ajouté de la prière par rapport à son début. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, combien de raka'at il lui manquait? Deux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a rajoutés après, n'est-ce pas? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a considéré ces deux unités de prière qu'il a rajoutées comme étant valides et comme complétant les deux premières. Voilà où tala al-fasl, même si le laps de temps qui les sépare est long. Ici, un commentaire que j'apporte moi. Certains savants ont dit que lorsque le temps est trop long, alors la prière doit être reprise depuis son début. Et comment définir un laps de temps long qui oblige de reprendre sa prière au début et un laps de temps qui permet de compléter la prière qui a été diminué. Non? Les savants ont dit que ce laps de temps est celui qui est similaire au hadith que l'on explique. Et on peut estimer à peu près combien de temps il a fallu, combien de temps cela a pris entre le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se lève, s'accoude sur cette poutre, croise ses doigts, les pose sur sa joue, que Dhul Yadayn lui pose la question, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui réponde, qu'il pose la question au compagnon et qu'il se lève. Yani, on va pas faire d'estimation en minutes, mais ce n'est pas un laps de temps qui est abusément long. D'accord? On peut pas dire que ça a pris une heure. On peut pas dire que ça a pris deux heures. D'accord? Donc, c'est l'avis de certains savants. وَكَذَلِكَ لَوْنَسِيَ السُّجُودِ. Et également, lorsqu'il oublie la prosternation. Et fait ce qui annule la prière comme parole ou autre. Qui a compris cette parole du Cheikh? Premier, c'est clair que ce que tu rajoutes de la prière qui a été diminuée est valide, même si il y a un laps de temps entre les deux. Il dit également, lorsqu'il oublie la prosternation et fait ce qui annule la prière comme parole ou autre. Car il est rapporté dans les deux sahih, selon Abdullah ibn Mas'ud, que le prophète sallam a fait la prosternation après le salam et le kalam. Après le salam et avoir parlé. Il y a eu un certain laps de temps. Non. Pour comprendre, il faut prendre connaissance du hadith d'Abdullah ibn Mas'ud que cite le Cheikh ici rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Quel est ce hadith? Dans ce hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, dont fait allusion le Cheikh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié 5 unités de prière. Puis a fait le salam. Puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été repris, on lui a dit qu'il avait prié 5, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait les 2 soujouts. وَقَالَ طَيْفَةٌ بِأَنَّ هَذِهِ زِيَادَةٌ لِأَنَّهُ زَادَ رَكْعَةٌ فَسَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَابْنُ تَيْمِيَةٍ وَقَالَ الْجُمْهُورُ بِأَنَّهُ هُنَا نسي سجود السهو قبل السلام فسجد للسهو بعده وهذا من شرح عمدة الأحكام للشيخ الشتري. Dans ce hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait les 2 prosternations après avoir fait combien? 5 unités de prière. Certains savants ont dit que cet ajout, annahu zada raka'a fa sajada ba'da as-salam. Certains savants ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rajouté une raka'a, au lieu d'en faire 4, il en a fait 5, et c'est pour cela qu'il a fait les 2 prosternations. Et c'est l'avis de l'imam Malik, de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, et la majorité des savants ont dit qu'ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a oublié de faire le salam, de faire le sujoud avant le salam, et il l'a donc fait après. Car certains savants disent, comme on le verra par la suite, que lorsqu'on ajoute dans la prière, les 2 prosternations doivent se faire avant le taslim et non pas après. Et il répond justement au hadith d'Abdullah ibn Mas'ud que justement le professeur Hassan a oublié de faire avant et c'est pour cela qu'il a fait après. Pour cela, lorsque l'on reprend la parole de Cheikh Al-Bassam, وَكَذَلِكَ لَوْ نَسِيَ السُّجُودِ. Et également, lorsqu'il a oublié le sujoud. Et fait ce qui annule la prière. Car dans ce hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, selon l'avis de la plupart des savants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a oublié de faire le sujoud avant le salam, et il a parlé avec ses compagnons. D'accord? Qui lui ont justement informé que il s'était trompé. Et c'est là où le professeur sallam s'est rendu compte qu'il avait oublié de faire le sujoud, les 2 prosternations avant le salam. Il a donc fait après. Mais entre temps, il a parlé. Et il a considéré sa prière comme valide. Vous avez compris ou pas? C'est subtil. Ouais, j'ai eu du mal à trouver ça. Hein. Non? Bien sûr, après chaque prosternation distraction, il y a deux salutations. Taïb. Ça, on voit les savants qui sont vraiment pointilleux dans leur remarque. Sadisan, inna al-harakat allati min ghayri jinsi al-amal la tubtilu as-salata wa law kathurat idha waqa'at min al-jahili wa an-nasi. Sixièmement, le fait de faire des mouvements qui ne font pas partie des mouvements de la prière n'annule pas celle-ci, même si ces mouvements sont en grand nombre, lorsqu'elles sont faites par un ignorant ou par une personne qui a oublié. Le professeur Assalam, entre autres, s'est levé, il s'est accoudé, il a croisé ses doigts, etc. Tout ceci sont des gestes qui ne font pas partie des gestes de la prière. Donc, le fait de parler pour celui qui a oublié une partie de sa prière, cela n'est pas pris en compte, mais également tous les actes qu'il aurait pu faire, tous les mouvements qu'il aurait pu faire, qui ne font pas partie des mouvements et des actes de la prière, également n'annule pas sa prière à partir du moment où il est ignorant ou s'il a oublié. Sabi'an, wujubu sajdatay sahu liman saha fi s-salah, fazada fiha aw naqasa minha liyajbura bihi s-salah wa yarghama bihi ash-shaytan. Septièmement, il y a la preuve dans ce hadith, l'obligation, il y a la preuve de l'obligation de faire deux prosternations de distraction pour celui qui est distrait dans sa prière, soit en ajoutant en celle-ci, ou soit en la diminuant, afin de réparer et de compenser sa prière, et également afin d'humilier le diable. Thaminan. إن السجود السهو لا يتعدد ولو تعددت أسبابه فإن النبي صلى الله عليه وسلم سلم ونقص الصلاة ومع ذلك اكتفى بسجدتين. Huitièmement, on retient de ce hadith que les prosternations de la distraction ne se répètent pas ou ne se multiplient pas par le nombre de causes. Ils ne se multiplient pas par le nombre de causes. Qu'est-ce que cela signifie? Le cheikh dit, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a salué et a diminué sa prière. Et malgré cela, il n'a fait que deux prosternations de distraction. Lorsqu'on regarde la prière qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a d'abord prié deux unités de prière. Puis il a salué. Et ensuite, il a rattrapé ces deux unités de prière, puis a salué. Lorsqu'on regarde l'ensemble de cette prière de quatre raka'at, combien il y a eu de salam? Deux. Le premier salam fait partie des choses qui ont été rajoutées dans la prière, plus l'oubli, le fait de les avoir diminuées, ce sont deux causes, mais on ne multiplie pas le nombre de prosternations de distraction par le nombre de causes. Ici, il y a eu des causes diverses, mais quand il y a des causes diverses, tu ne dois te contenter que de faire deux unités de prière. C'est clair? C'est clair ou pas? C'est pas clair pour tout le monde. Naam? C'est clair, Taïf. Tasi'an. إن السجود السهو يكون بعد السلام إذا سلم المصلي عن نقص في السلام وما عداه يكون قبل السلام وهو مذهب الحنابلة وهو تفصيل لجميع الأدلة خلافا لمن قال السجود كله بعد السلام وهو مذهب الحنفية أو كله قبل السلام وهو مذهب الشافعية. Neuvièmement, il y a dans ce hadith la preuve que les prosternations de la distraction se font après le salam, lorsque le prieur a diminué dans sa prière. Et toute autre situation, à savoir les deux qui restent, qui sont le rajout ou le doute, se font avant le salam. Et c'est le madhab de Al-Hanabila, des Hanbalit. Et c'est l'avis qui détaille l'ensemble des preuves et des hadiths rapportés à ce sujet. Contrairement à ceux qui disent que le sujoud, que les deux prosternations de la distraction se font tout le temps après le salam, et c'est l'avis de l'imam Abu Hanifa, ou tout le temps après le salam, et c'est l'avis de l'imam Al-Shafi'i, ou tout le temps avant le salam, et c'est l'avis de l'imam Al-Shafi'i, rahimallahu al-jami'. Ashiran. إن سهو الإمام لاحق للمأمومين لتمام المتابعة والاقتداء ولأن ما طرأ على صلاة الإمام من النقص يلحق من خلفه من المصلين. Dixièmement, on retient de ce hadith que la distraction de l'imam atteint ceux qui prient derrière lui, car ils le suivent et le prennent comme guide. Et ce qui a atteint la prière de l'imam comme diminution a atteint également ceux qui prient derrière lui. 11. أما التشهد بعد سجدتي السهو فقد قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليس في شيء من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتشهد بعد السجود ولا في الأحاديث الصحيحة المتلقات بالقبول أن يتشهد بعد السجود فلو كان تشهد لذكر ذلك من ذكر أنه تشهد وعمدة ما وعمدة من أثبت التشهد حديث عمران وهو غريب ليس لمن رواه متابع وهذا يوهي الحديث. Onzièmement, quant au tashahhud après les deux prosternations de la distraction, on a dit que ce tashahhud n'existait pas. Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah rahimahullah, a dit concernant ce tashahhud après les deux prosternations de la distraction. Il dit, il n'y a rien dans les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rien qui ordonne de faire le tashahhud après les deux prosternations, c'est-à-dire de la distraction. Et il n'y a pas dans les hadiths authentiques qui ont été acceptés par les savants du hadith, il n'y a aucun dans ces hadiths authentiques la preuve, ou il n'y est pas stipulé dans ces hadiths qu'il y a un tashahhud à faire après les deux sujouds. Et s'il y avait un tashahhud, eh bien, cela aurait été rapporté. Et ceux qui affirment qu'il y a un tashahhud après les deux prosternations de la distraction ont pour preuve le hadith de Umran, qui est un hadith étrange. Laysa liman rawahu mutabi', il n'y a pas de suivi pour ceux qui les ont rapportés. Wa hada yuhi al-hadith. Et ceci fait en sorte que le hadith n'est pas accepté. Wa naktafi bihadha al-qadr. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.